إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous allons évoquer aujourd'hui, inshallah, tabaraka wa ta'ala, l'élévation auprès d'Allah de Isa et la preuve de sa non-crucifixion. Nous terminerons aussi le récit de Isa en citant quelques caractéristiques de ce grand messager, alayhi salatu wassalam. Concernant son élévation, qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'a élevé au ciel, Allah nous dit à cet effet, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. C'est la sourate numéro 3, les versets 54 à 55. Et ceux qui ont mécru se mirent à comploter. Allah a fait échouer leur complot, et c'est Allah qui agit le plus astucieusement. Allah dit alors, ô Isa, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru, et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis c'est vers moi que sera votre retour, et je jugerai entre vous ce sur quoi vous divergiez. Lorsque les mécréants complotèrent pour le tuer, Allah tabaraka wa ta'ala informa son messager qu'il allait le reprendre vers lui, tout en soulignant le fait qu'il allait secourir sa religion en disant « Je vais mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. » Comme pour conforter, comme pour rassurer Isa ibn Maryam, car la principale préoccupation des messagers est la guidée des gens et la transmission des lois d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils décidèrent donc de le tuer et de le crucifier, mais Allah tabaraka wa ta'ala sauva son messager et le reprit vers lui avant qu'il ne pût mettre la main sur lui. Allah dit tabaraka wa ta'ala, فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. Sourate numéro 4, les versets 155 à 159. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens des versets, « Nous les avons maudits pour avoir trahi leur engagement, renié les versets d'Allah, tué injustement des prophètes, et pour avoir dit « Nos cœurs sont scellés. Kolobuna Rolf. » Parle ici des enfants d'Israël, ou une grande partie d'entre eux. Mais c'est Allah qui a scellé leurs cœurs à cause de leur mécréance. Ainsi, ils ne croient que très peu. Nous les avons maudits à cause de leur mécréance et de l'énorme mensonge qu'ils prononcent contre Maryam. Et à cause de leurs paroles, nous avons tué Al-Masih, Isa ibn Maryam. Isa, fils de Maryam, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais c'est ce qui leur a semblé faire. Et ceux qui ont divergé à son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune science certaine. Ils n'en ont aucune science certaine et ne font que suivre des conjectures et des suppositions. Et ils ne l'ont certes pas tué. Mais Allah l'a élevé vers lui. Et Allah est puissant et sage. Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui, c'est-à-dire à Isa ibn Maryam, avant sa mort. Et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. L'imam Sa'di rahimahullah tabaraka wa ta'ala a dit, concernant ces versets coraniques, « Parmi les enfants d'Israël, il y a ceux qui ont certes commis des choses ignobles, et leur comportement envers leur messager en est une preuve. Lorsqu'ils prétendaient croire en lui, alors qu'ils lui demandèrent dans le même temps de voir Allah de leurs propres yeux. Puis lorsqu'ils ont pris le veau comme divinité qu'ils adoraient en dehors d'Allah. Et tout ceci après qu'ils aient vu de leurs propres yeux des miracles que personne d'autre n'ont vus. Ils refusèrent d'accepter les lois de leur livre qui est la Torah, jusqu'à ce que le mont Tour se dressa au-dessus de leur tête et les menaça de s'écrouler sur eux. Ils acceptèrent sous la contrainte comme celui qui est forcé de croire à une chose. Puis lorsqu'ils refusèrent de rentrer par les portes de la ville Beit el-Maqdis, prosternés et en implorant le pardon d'Allah, ils ont ainsi contredit et démenti leurs messagers en paroles et en actes. Il en est de même de ceux qui ont transgressé le sabbat. Allah les a punis et châtiés par ce châtiment terrible du fait de l'engagement solennel qu'Allah subhanahu wa ta'ala prit d'eux. Mais ils jetèrent cela derrière eux et ils renièrent les versets d'Allah en tuant les prophètes sans aucun droit. De même leurs paroles, lorsqu'ils dirent « Nous avons tué Isa et nous l'avons crucifié ». La réalité, c'est qu'ils ne l'ont pas tué ni crucifié, mais cela fut un semblant. Ils ont tué une autre personne et ils ont crucifié une autre personne. De même leurs prétentions lorsqu'ils dirent que leurs cœurs furent voilés, qu'ils ne comprenaient pas ce que disaient leurs prophètes, lorsqu'ils obstruaient le chemin d'Allah aux gens, les empêchant d'accéder à la vérité et les appelant ce sur quoi ils étaient comme égarement et errance. Ils mangeaient injustement les biens des gens et mangeaient l'intérêt usuraire, bien qu'Allah leur avait sévèrement interdit cela, bien qu'Allah leur avait sévèrement interdit tout cela. Fin de citation. L'imam Ibn Kathir, rahimallah tabaraka wa ta'ala, dit « Allah mentionne qu'il a élevé son serviteur Isa au ciel après avoir rappelé son âme dans son sommeil, selon l'avis le plus juste, pour le soustraire aux mains des juifs qui voulaient lui causer du tort en le dénonçant à un des rois mécréants de l'époque qui ordonna qu'on le tue et qu'on le crucifie. Ils le cernèrent alors dans une maison de Beit el-Maqdis et lorsqu'ils furent sur le point d'entrer, l'apparence de Isa fut donnée à un de ses compagnons qui était avec lui, tandis que Isa fut élevé vers le ciel. Les soldats entrèrent alors et emmenèrent le jeune homme qui avait pris l'apparence de Isa, croyant qu'il s'agissait bien de lui. Ils le crucifièrent et lui mirent sur la tête une couronne d'épines pour l'humilier. La plupart des chrétiens qui n'avaient pas assisté à ce qui était advenu de Isa et qu'il était monté au ciel, crurent à la thèse des Juifs sur la crucifixion, s'égarant ainsi d'un égarement manifeste et lointain. Puis Allah dit tabaraka wa ta'ala, il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui, c'est-à-dire en Isa ibn Maryam, avant sa mort. C'est-à-dire, après sa descente sur terre à la fin des temps, avant le jour de la résurrection. Il descendra, tuera le porc, brisera la croix et n'acceptera pas l'impôt de capitulation, el-jizya, et n'acceptera que l'islam, comme nous l'avons montré à travers les différents hadiths rapportés à ce sujet dans l'exégèse de ce verset de Surat An-Nisa. C'est-à-dire que pour les gens, face à la prédication de Isa à la fin des temps, il n'y aura que deux solutions. Soit ils acceptent l'islam, soit Isa les combattra par l'épée. De même, de manière plus détaillée, dans le livre de Fitan wal-Malahim, un autre livre de Ibn Kathir, au chapitre concernant le faux prophète. De même, cela a été étayé, détaillé de manière beaucoup plus notoire dans le livre de l'Ibn Kathir, Al-Fitan wal-Malahim, qui est en réalité une partie du livre de Al-Bidaya wal-Nihaya. Nous avons mentionné ce qui est rapporté concernant la descente d'Al-Masih, alayhi salat wa salam, depuis les cieux afin de tuer Ad-Dajjal, le grand menteur, le prêcheur de l'égarement. Voici ce qui a été rapporté dans les différents récits concernant son élévation au ciel. Ibn Abi Hatim rapporte d'après Ibn Abbas que lorsqu'Allah voulut élever vers lui Isa ibn Maryam, il se rendit dans une maison où se trouvaient 12 de ses compagnons. Isa entra chez eux, la tête ruisselante d'eau, et leur dit ces mots. « Certains d'entre vous me renieront 12 fois après avoir cru en moi. » Il dit ensuite « Qui de vous accepte de prendre mon apparence ?» d'être tué à ma place et d'être au même degré que moi au paradis. Un jeune homme se leva et dit « Moi !» Il lui dit « Assieds-toi !» Il répéta la même question et c'est le jeune homme qui se leva de nouveau. Mais il lui répondit encore « Assieds-toi !» Il répéta la même question et une fois encore ce fut le jeune homme qui se leva. Il lui dit « Alors ce sera toi !» Allah lui donna l'apparence de Isa, tandis que celui-ci fut élevé au ciel par une ouverture dans la maison. À la demande des Juifs, les soldats vinrent alors et emmenèrent le jeune homme. Ils le tuèrent et le crucifièrent. Certains renièrent alors Isa 12 fois après avoir cru en lui. Les chrétiens se divisèrent alors en réalité, il y en a beaucoup plus. Mais ici, l'imam Ibn Kathir va citer trois grands groupes parmi les premières sectes chrétiennes. Le premier, c'est ceux qui disaient « Allah demeura parmi nous autant qu'il voulut, ensuite il s'éleva au ciel. » Ce sont Al-Ya'qubiyyin qui prétendaient que Allah était réincarné dans la personne de Isa. « Ta'ala Allahu amma yaqulu adh-dhalimuna 'uluwan kabira » Le deuxième dit, deuxième groupe, « Le fils d'Allah resta parmi nous autant qu'il voulut, puis Allah l'éleva vers lui. » Ce sont les Nestoriens, An-Nasturiyoun, considèrent que Isa est le fils d'Allah non créé, engendré. Le troisième dit, le serviteur et messager d'Allah vécut parmi nous autant qu'Allah le voulut, puis Allah l'éleva vers lui. Et ce furent les vrais croyants de Isa, alayhi salatu wassalam, qui étaient les musulmans de cette époque. Les deux premiers groupes se liguèrent contre les croyants, c'est-à-dire le troisième groupe, et les tuèrent. L'islam resta caché alors jusqu'à ce qu'Allah envoie Muhammad alayhi salat wa salam. Ibn Abbas a dit, c'est là le sens de la parole du Très-Haut, nous aidâmes ceux qui avaient cru contre leurs ennemis et ils triomphèrent. C'est le dernier verset de la sourate numéro 61 que nous avions cité, il y a de cela quelques cours. Cette chaîne de transmission remontant à Ibn Abbas est authentique selon les conditions de musulmans. L'imam Hassan al-Basri rapporte que lorsque Isa fut élevé, il avait alors 34 ans. Il y a certaines divergences concernant son âge, mais toutes les paroles des savants concernant l'âge auquel il fut élevé tournent autour de la trentaine d'années. Nous allons évoquer maintenant quelques descriptions et vertus de Isa alayhi salat wa salam. Allah dit tabaraka wa ta'ala, « Ma al-Masih ibn Maryam illa rasulun qad kharat min qablihi rusul » وَأُمُّهُ سِتِّيقًا Surat numéro 5, verset 75. Al-Masih, fils de Maryam, n'était qu'un messager. Des messagers l'ont précédé et sa mère était une véridique. On rapporte qu'on l'a nommé Al-Masih, que certains traduisent en français par le Messie, mais je m'abstiendrai de le traduire par le Messie, car le terme de Messie en français n'a pas la même connotation que Al-Masih en arabe. Al-Masih signifie deux sens, ou bien il signifie celui qui voyage sur terre, Minasiyaha. Et il fut nommé Al-Masih en raison de ses voyages sur terre et sa fuite avec sa religion loin des tentations de cette époque et à la suite de l'opposition farouche que les Juifs lui ont opposée et leurs mensonges sur lui et sa mère, alayhim assalam. On dit aussi que son nom, ou son laqab ici, Al-Masih, est dû au fait que ses pieds étaient oints, mamsour, l'onction, par l'huile d'olive, quelque chose qui était déjà pratiqué par Daoud, alayhi salat wa salam. Et ça vient du verbe arabe masaha, qui veut dire frotter ou oindre, par l'eau ou par l'huile. Aussi, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَ بْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٍ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Nous avons envoyé après eux Isa ibn Maryam pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile qui contient une guidée et une lumière. Il est clair et évident que l'évangile cité ici dans le Coran ne sont pas les évangiles sur lesquels repose la croyance des chrétiens actuellement. Les quatre évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ici, nous parlons de l'évangile de Isa, alayhi salatu wa salam, qui ne se trouve nullement entre leurs mains. De même, Allah dit tabaraka wa ta'ala, « وَآتَيْنَا عِيسَ بَنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدَنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ » Donc le verset précédent était le verset de la table garnie, la sourate numéro 5, le verset 46. Et ce verset-là, وَآتَيْنَا عِيسَ بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, c'est le verset numéro 87 de la sourate numéro 2. Nous avons accordé des miracles à Isa ibn Maryam et nous l'avons fortifié du Saint-Esprit, c'est-à-dire de Jibril alayhi salat wa salam. Les versets en ce sens sont très nombreux. Nous avons déjà mentionné ce hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, où le prophète disait, chaque fils de Adam est frappé par le diable à sa naissance, sauf Maryam et son fils. Le diable voulut le frapper, mais il frappa dans le voile de protection. Et nous avons également mentionné le hadith de Ubadah ibn Samit rapportant que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Man qala ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. » وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. Quiconque témoigne qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, seul et sans associé, que Muhammad est son serviteur et messager, que Isa est le serviteur d'Allah, son messager et sa parole insufflée en Maryam, que le paradis est vérité et l'enfer est vérité, Allah le fera entrer au paradis avec ce qu'il a accompli comme œuvre. Rapporté par l'imam al-Bukhari sur le numéro 3435. De même, l'imam al-Bukhari rapporte sur le numéro 3446 d'après Abi Burdata الأسلمي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما كيادي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدب الرجل آمته فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها كان له أجران وإذا آمن بعيسى ثم آمن بي فله أجران والعبد إذا اتقى ربه وأطاع مواليه فله أجر. Celui qui éduque sa servante de la meilleure des façons, l'instruit de la meilleure des façons, puis l'affranchit et l'épouse, aura deux récompenses. Et s'il croit en Isa ibn Maryam, puis en moi, il aura deux récompenses. Si le servant craint son seigneur et obéit à son maître, il aura deux récompenses. Rapporté par l'imam al-Bukhari sur le numéro 33446. L'imam al-Bukhari rapporte d'après Abi Hurairah radiallahu anhu que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam Laylata usriya bihi Ra'aytu Musa wa ida rajulun darbun rajulun ka'annahu min rijali shanu'a wa ra'aytu Isa fa'idha huwa rajulun rab'atun ahmar ka'annama kharaja min dimas wa ana ashbahu waladi Ibrahim sallallahu alayhi wa sallam. Hadith rapporté par l'imam al-Bukhari sous le numéro 3394. La nuit de l'ascension au ciel, j'ai rencontré Moussa, puis il le décrivit. Il dit, c'est un homme au visage fin, ressemblant aux hommes de Shanu'a, qui est une tribu du Yémen, les Arabes du Yémen. Il dit, j'ai également rencontré Isa, Puis il le décrivit et dit il est de corpulence moyenne, d'un teint mat, virant sur le rouge, et ses cheveux ruissellent comme s'il sortait du hammam. Et j'ai vu Ibrahim. Je suis celui de ses descendants qui lui ressemble le plus. L'imam al-Bukhari rapporte d'après Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, Ra'aytu Isa wa Musa wa Ibrahim. فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر وأما موسى فآدم جسيم سبط أو سبط كأنه من رجاد الزت. Apporté par l'imam al-Bukhari sous le numéro 3438. J'ai vu Isa ibn Maryam, Moussa et Ibrahim. Isa avait le teint basané, clair, qui virait au rouge, le corps bien constitué et la poitrine large. Quant à Moussa, il était mat de peau, corpulent, les cheveux. Comme les hommes de Az-Zout, qui est une tribu aussi. L'imam al-Bukhari, c'est un hadith rapporté par al-Bukhari sous le numéro 3438. L'imam al-Bukhari rapporte d'après Abdullah ibn Omar qu'un jour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était au milieu des gens et il évoqua le Dajjal, al-Masih al-Dajjal, en disant « Allah n'est pas borgne, tandis que le Dajjal est borgne de l'œil droit qui ressemble à un raisin flétri. Je me suis vu en rêve cette nuit près de la Kaaba et j'ai vu un homme mat de peau, du plus beau teint qui ait été donné aux hommes. » Les mèches de ses cheveux bouclés ondulaient sur ses épaules et de l'eau ruisselait sur son visage. Les mains appuyées sur les épaules de deux hommes, ils tournaient autour de la maison d'Allah. Je demandais qui est cet homme. On me dit, c'est Al-Masih, fils de Maryam. J'ai ensuite aperçu derrière lui un homme aux cheveux courts et crépus, borgne de l'œil droit, qui ressemblait le plus physiquement de tous les gens que j'ai vus à Ibn Qattan. Les mains posées sur les épaules de deux hommes. Ils tournaient autour de la maison d'Allah. Je demandais qui est cet homme. On me dit c'est le Dajjal. Rapporté par l'imam al-Bukhari sous le numéro 3440. L'imam ibn Kathir, rahimallah ta'ala, dit ensuite. Il mentionna ensuite d'après Az-Zuhri que Ibn Qattan était un homme de Khuza'a, de la tribu de Khuza'a, mort avant l'avènement de l'islam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ainsi décrit les deux Masih. Le Masih de la droiture qui est Isa ibn Maryam et le Masih de l'égarement qui est le Masih al-Dajjal. Ceci afin que les croyants puissent les reconnaître et suivre le premier et croire en lui lorsqu'il descendra et s'éloigner et prendre garde du second. Au regard de tous ces hadiths qui ont été cités, il apparaît clairement qu'on est loin des descriptions de Isa faites par les chrétiens d'Orient et d'Occident, qui le dépeignent selon leur goût et leur culture. On a retrouvé en Chine ou en Extrême-Orient des représentations de Isa, alayhi salatu wassalam, avec des traits asiatiques, d'autres en Afrique noire avec la peau noire, ou encore en Europe où il est souvent, voire constamment dessiné avec le teint blanc et les cheveux clairs ou blonds. Tout cela influencé par le cadre culturel et politique dans lequel vivaient ceux qui le représentaient. Tout cela est loin de la réalité. Il ne faut que conjecturer. Et la conjecture n'a aucune valeur devant la vérité. La raison de cela est qu'il n'y a aucune description physique de lui dans les évangiles des chrétiens et les autres livres qui constituent la Bible. L'imam al-Bukhari rapporte d'après Abi Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ra'a Isa ibn Maryam rajulan yasriku faqala lahu asarakta qala kalla wallahi alladhi la ilaha illa hu faqala Isa amantu billah wa kadhabtu aynai » rapporté par l'imam al-Bukhari sur le numéro 3440. Hadith nous montre certains traits de caractère qu'avait Isa alayhi salatu wa sallam. Isa ibn Maryam vit un homme en train de commettre un vol. Il lui dit « As-tu volé ?» L'homme répondit « Pas du tout, je jure par celui en dehors de qui il n'y a d'autre divinité digne d'adoration sauf lui. » Issa dit alors, je crois en Allah et renie ce que mon œil a vu. Et cela montre une nature saine, car il a donné priorité au serment de cet homme en pensant que personne ne pouvait jurer par Allah et mentir, plutôt qu'à ce qu'il a vu de ses propres yeux. Il a accepté son excuse et est revenu sur ce qu'il pensait en disant « Je crois en Allah », c'est-à-dire « Je te crois et je renie ce que mes yeux ont vu en raison de ton serment. » L'imam al-Bukhari rapporte d'après Ibn Abbas que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tuhsharuna hufatan uratan ghurlan thumma qara'a kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan alayna inna kunna fa'ilin. » أول من يقصى إبراهيم ثم يؤخذ برجال من أصحابي ذات اليمين وذات الشمال فأقول أصحابي فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم فأقول كما قال العبد الصالح عيسى بن مريم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إلى قول الله تبارك وتعالى فإنك أنت العزيز الحكيم. Vous serez ressuscité nu-pied, non circoncis. Puis il récita: le jour où nous plierons le ciel comme on plie la feuille d'un livre, tout comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répéterons. C'est une promesse qui nous incombe et nous l'accomplirons. Le premier à être vêtu sera Ibrahim, alayhi salat wa salam. Puis on prendra des hommes parmi mes compagnons de droite et de gauche et je dirai, ce sont mes compagnons. Et on me répondra, ils n'ont cessé de revenir sur leurs pas après que tu les aies quittés. Je dirai alors comme le serviteur pieux Isa ibn Maryam, et je fus témoin de ce qu'ils faisaient aussi longtemps que j'étais parmi eux. Puis lorsque tu m'as fait mourir, c'est toi qui les observais, et tu es témoin de toutes choses. Si tu les châties, ils sont tes serviteurs. Et si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant, le sage. Rapporté par l'imam al-Bukhari, sous le numéro 3447. L'imam al-Bukhari rapporte d'après Ibn Abbas qu'il a entendu Omar ibn al-Khattab dire sur le minbar: Sami'tu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaqul la tutruni kama atrat an-nasara ibn Maryam fa innama ana 'abduhu faqulu 'abdullah wa rasuluhu. Rapporté par l'imam al-Bukhari sur le numéro 3445. J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: n'exagérez pas sur moi comme les chrétiens ont exagéré sur Isa ibn Maryam, jusqu'à le diviniser. Je ne suis qu'un serviteur. Dites donc le serviteur d'Allah et son messager. Et ne dites pas comme disaient les chrétiens, le fils d'Allah ou le troisième de trois ou Allah lui-même. Ta'ala Allahu amma yakulu dhalimun uluwan kabir. L'imam al-Bukhari rapporte d'après Abi Huraira que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. Rapporté par l'imam al-Bukhari sous le numéro 3443. Je suis le plus digne de me réclamer du fils de Maryam. Les prophètes sont tous frères, mais de mères différentes. Et il n'y a entre moi et Isa aucun prophète. Certains savants ont expliqué aussi cette parole dans le sens où tous les prophètes descendent d'un seul père, c'est-à-dire d'une même croyance, d'un même credo. Mais ils sont de mères différentes, c'est-à-dire de législations différentes. Non. Suivant les époques, Allah tabarak wa ta'ala, dans son immense sagesse et son omniscience, descend des lois qui sont en adéquation avec les gens de cette époque. L'imam Ahmed rapporte d'après Abi Huraira que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam: laysa bayni wa baynahu ya'ni Isa alayhi salam nabiyyun wa innahu nazil fa idha ra'aytumuhu fa'rifuhu rajulun marbu'un ila al-humrati wal bayad bayna mumassaratayn كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، فيقاتل الناس على الإسلام فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ويهلك الله في زمانه الملل ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك المسيح الدجال فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون. C'est un hadith rapporté par l'imam Ahmed ou Abu Dawud et authentifié par Cheikh Unal Albani. Il n'y a eu aucun prophète entre moi et Isa ben Maryam. Si vous le voyez, reconnaissez-le à ses signes. C'est un homme bien proportionné. C'est un homme bien proportionné, ni grand ni petit. Son teint est entre le rouge et le blanc. C'est-à-dire qu'il avait le teint mat clair qui vire vers le rouge. On a l'impression que des gouttes coulent sur son visage, bien que ses cheveux ne soient pas mouillés. Il tuera le porc et brisera la croix, et l'argent affluera. À son époque, à part l'islam, toutes les religions auront succombé. Allah anéantira le Messie des ténèbres, le Masih al-Dajjal. Allah anéantira le Masih des ténèbres, le borgne, le menteur, le Masih al-Dajjal. La paix régnera sur terre, le lion va paître avec des chameaux, le tigre avec des vaches, le loup avec des moutons, les enfants s'amuseront avec les serpents sans craindre le moindre mal, il restera 40 ans sur terre avant de mourir, les musulmans prieront ensuite sur lui et l'enterreront. Nous avons mentionné la descente de Isa à la fin des temps dans Al-Malahim et dans le tafsir, l'exégèse du Coran, lorsqu'Allah dit tabaraka wa ta'ala وَإِمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِدًا. Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui, c'est-à-dire Al-Masih avant sa mort, et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. Et aussi وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. Sa descente, alayhi salatu wassalam, sera un signe de l'approche de l'heure. N'en doutez point, et suivez-moi, voilà un chemin droit. Sourate 43, verset 61. Il descendra sur un minaret blanc à Damas, alors qu'on aura appelé à la prière de l'aube. L'imam des musulmans dira alors, « Préside-nous, dirige pour nous la prière, ô Esprit d'Allah. » Et il répondra, « Non, c'est vous qui êtes les chefs les uns des autres, par honneur qu'Allah a accordé à cette communauté. » Et dans une autre version, Isa lui répondra, « C'est pour toi qu'on a appelé à la prière. » Et il priera derrière lui. Puis il partira avec lui et les musulmans à la recherche du faux messie. Ici, l'imam des musulmans, bien sûr, est Al-Mahdi. Et il priera derrière lui, puis il repartira avec lui et les musulmans à la recherche du Masih al-Dajjal. Il le trouvera à Bab al-Lud, qui se trouve en actuelle Palestine, et le tuera de sa noble main. Nous avons mentionné que l'espoir s'est renforcé lorsque ce minaret à l'est de Damas a été construit de pierres blanches. Il a d'ailleurs été construit avec l'argent des chrétiens, après qu'il ait brûlé l'ancien minaret et ses alentours. Il descendra donc sur ce minaret, tuera le porc, brisera la croix et n'acceptera que l'islam. Yadar al-jizya, c'est-à-dire qu'il abolira l'impôt de capitation qu'on impose aux ennemis. Donc il n'y aura que deux choix, comme je l'ai expliqué. Ou bien l'islam, ou bien l'épée. Puis il se mettra en état de sacralisation à partir du col de Rawha et accomplira le Hajj ou la Umrah, ou les deux. Et il vivra sur terre 40 ans, puis il mourra et sera enterré. L'imam al-Bukhari rapporte d'après Salman al-Farisi, radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu, qui a dit « Fatratun bayna Isa wa Muhammad alayhi wa salam 600 sana. » Il y a entre Isa et Mohammed 600 ans, rapporté par l'imam al-Bukhari sous le numéro 3948. Seulement, les savants ont divergé sur l'espace de temps qu'il y a eu entre ces deux prophètes. Pour Qatada, ce fut 560 ans. Certains ont dit 540, d'autres ont dit 435, comme l'imam al-Dahhak, d'autres ont dit 620. Mais l'imam Ibn Kathir nous dit que l'avis le plus communément partagé est qu'il est de 600 ans. Et ceux qui disent qu'il est de 620 ans, ils parlent en année lunaire, car 620 ans en année lunaire correspond à 600 ans en année solaire. Après que Isa fut élevé au ciel, les compagnons d'Al-Masih ont divergé à son sujet, comme l'a rapporté Ibn Abbas et d'autres imams parmi les pieux prédécesseurs, comme nous l'avions mentionné. فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ Il y a eu Al-Ya'qubiyoun, Al-Nasturiyoun, Al-Madikiyoun, autant de sectes qui ont surgi dès les premiers temps, après que Isa fut élevé au ciel. Et il y avait les croyants musulmans qui croyaient non à la divinité de Isa, mais en sa qualité de messager et de prophète. Le groupe de croyants qui affirmait que Isa était un serviteur d'Allah et un messager s'isola et se réfugièrent dans les déserts et les campagnes. Ils bâtirent des couvents et des monastères et se suffirent d'une vie d'ascétisme sans se mélanger aux autres sectes. Les royalistes, quant à eux, bâtirent des cathédrales immenses, imitant les constructions grecques et en orientant leurs prières vers l'est, alors qu'auparavant, ils s'orientaient vers le nord et vers les étoiles. À la suite de tout cela, l'imam Ibn Kathir va citer leurs dogmes faux et inventés. Et nous avions déjà évoqué cela auparavant en réfutant sur le principal dogme chrétien qui est la Trinité, et nous avions montré qu'il constitue un polythéisme clair et évident, condamné par Allah et tous les prophètes, y compris Isa lui-même, alayhi salat wa salam. Ainsi se termine cette série de cours sur les prophètes dans laquelle nous avons pu évoquer pas moins de 29 prophètes ou messagers dont Allah a parlé dans son livre ou par le biais des paroles du sceau des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Des histoires pleines d'enseignements et de sagesse. Des histoires qui apprennent et qui enseignent la persévérance, la patience, le courage, la dévotion, l'humilité, la générosité, l'empathie. Autant de qualités qui étaient celles de ces hommes d'exception qu'Allah a choisis pour être des modèles et exemples à suivre. Connaître leur vie, leur combat, leur choix, leur sacrifice, leur degré d'adoration est primordial, voire vital, à une époque où les gens ont perdu leurs repères et prennent comme modèle des gens égarés, peu soucieux des prescriptions divines, ou bien même des gens qui sont, par leurs actes ou leurs paroles, les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Choisir les bons modèles et les bons exemples permettra à la personne de cheminer sur la voie droite qui mène au paradis, de s'élever et de se rapprocher d'Allah. C'est la raison principale pour laquelle Allah nous a relaté leur récit à travers son livre. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sourate 33 verset 21. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ Sourate numéro 60, verset numéro 6. Vous avez certes en eux, eu en eux un bel exemple à suivre pour celui qui espère en Allah et au jour dernier. Mais quiconque se détourne, alors Allah se suffit à lui-même et est digne de louange. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون Sourate numéro 11 verset 111 Dans leur récit, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Ce n'est point là un récit fabriqué ou inventé. C'est au contraire la confirmation de ce qui existait déjà avant lui, un exposé détaillé de toutes choses, un guide et une miséricorde pour des gens qui croient. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه ونسأله تبارك وتعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسأله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الحق المبين وعلى الصراط المستقيم وعلى طريقة الأنبياء والمرسلين إنه الولي بذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته